La cour de Blanche, fleur d'hiver, écrit par Victorine Colin des Jimets. Sans renoncer aux vieux, plein de nouveaux projets, je les tiens dans mon camp, partout je les rassemble, les enrôle, les suis, les pousse tous ensemble. S'égarant à mon gré, mon ciseau vagabond achève à ce poème ou les pieds ou le front. André Chénier. Quitte mon humble toit, va ma blanche chérie, implorer du rêveur un doux regard d'amour. Puisse au sein des hivers ta guirlande fleurie, des outrages du temps garder ta jeune cour. Puisse le paladin d'un siècle de lumière marcher à tes côtés, gracieuse et courtois, l'astre au brûlant rayon, à la parole altière, élever pour ta cause une éloquente voix. Puisse le froid oubli respecter ta couronne. Ah, quand ma muse a fait appel au noble cœur, comment craindre pour toi les autant destructeurs? Dans chaque âme où le mot gloire, grandeur, résonne à Blanche, tu dois trouver un écho de tes fleurs. Il était nuit, le ménestrel folâtre, plus exhalait ses chants mélodieux. Son léger luth de liesse idolâtre, à ses côtés dormait silencieux. Quand une voix s'échappant de la nue a réveillé la muse aux doux accents. Beau ménestrel, va pour ta bienvenue de la pitié faire entendre les chants. Et d'un palais au fastueux portique, il a franchi le seuil hospitalier. Un frais essaim de beauté fantastique guide les pas du barde chevalier. À deux genoux près de la châtelaine, il vient jurer un servage d'amour. À mes destins pour ce soir je t'enchaîne, à mon côté place-toi troubadour. Sous ses voiles, quelle était belle la veuve des murs champenois. Tel l'ange des cieux se révèle à l'accent de sa douce voix. Dans ses mains d'albâtre, elle agite l'écharpe, gage d'un vainqueur. Le sein du beau barde palpite, plus vite il sent battre son cœur. Point ne lui semble coutumière la splendeur de ce brillant jour. Blanche tient-elle cour plénière? Où tient-elle une cour d'amour? Ouvrant la poétique arène au tenant des doctes ébats, veut-elle, aimable souveraine, du cœur apprendre les combats? Veut-elle savoir, la comtesse, si mieux vaut aimer ou haïr? Si d'un amant la folle ivresse sans retour doit s'évanouir? Si mieux vaut la mort d'une belle que son capricieux dédain? Si l'absence d'un infidèle guéri de l'amoureux chagrin. Bientôt son âme est arrachée au rêve d'un galant champ clos. Vers lui la comtesse penchée à voix basse exhale ses mots. Ménestrel, accorde ta lyre, vois ce don, il deviendra tien. Que gémissant elle soupire le tendre mode lydien, que d'autrefois une mâle harmonie réveille les cœurs endormis. Que tes accords, enfants de la Phrygie, chassent loin de nous, Jeuséry. Le noir boré à la cité troyenne prodigue, hélas, ses plus âpres fureurs. Glace et frimas, couvrant la ride pleine, du vieil hiver étale les rigueurs. Sur nos guérets, une couche neigeuse étend au loin son funèbre linceul. Et de nos murs, la plèbe malheureuse de la saison porte le sombre deuil. À mille mots l'hiver donne naissance, mille besoins surgissent sous les toits. Cachés aux yeux la timide indigence, n'ose élever une plaintive voix. Dans ce palais, s'il est quelque âme tendre, il est aussi d'inexorable cœur. Beau troubadour, ici fais-nous entendre l'écho caché des mortelles douleurs. De la pitié fais répandre les larmes, fais triompher cette fille des cieux, fais qu'attendris les cœurs trouvent des charmes à soulager le pauvre souffreteux. De ses besoins peint l'angoisse cuisante, dit ses douleurs durant les noirs frimas, Révèle-nous sa lutte déchirante avec la faim, sœur du fatal trépas. La charité, c'est le mot de la lutte, barde, il s'agit de rappeler ses lois. Vois ce rival, c'est lui qui te dispute le don sacré de proclamer ses droits. Beau ménestrel, j'en appelle à ta lyre, vite choisis tes plus tendres accents. Hors de ces murs, tout un peuple soupire, le froid grandit, ménageons les instants. Ainsi parle la noble dame, reine de ces magiques lieux. Elle a dit, un rayon de flamme semble jaillir de ses beaux yeux. De sa blanche main, elle donne le grave signal du combat. On se tait. La harpe résonne, prélude au lyrique débat. Enfant de la Calédonie, fils dégénéré de Morvin, un barde à la mine fleurie s'avance le théorbe en main. Frais champion de l'égoïsme, avec ardeur il va jouter. La lice s'ouvre au sybarisme. Silence, l'anglais va chanter. Premier ménestrel. Qu'un autre de la gloire vante les vers lauriers, au temple de mémoire guide nos chevaliers. À la seule liesse j'ai voué mes tinsons, ma harpe avec ivresse lui prodigue ses sons. Qu'un autre à l'indigence vienne prêter sa voix, et de la bienfaisance vante les douces lois. Moi, ménestrel volage aux fantasques accents, je chante du bel âge les plaisirs séduisants. Tout pour l'heureux se pose, au printemps radieux, la jeune et tendre rose naît pour charmer ses yeux. La rive bocagère abrite ses amours, au pied de sa bergère il croit aimer toujours. Sous la riche coupole, il rêve les plaisirs, de l'un à l'autre pôle promène ses désirs. À sa voix, la Turquie apporte ses tissus, la froide Moscovie, ses moelleux tributs. Pour lui, point de froidure, pour lui, point de frimas. La bénigne nature de fleurs sème ses pas. Et pourquoi de la vie lui montrer les rigueurs, quand, suivant son envie, il goûte ses douceurs? Oui, jouissez, fortuné sybarite, demeurant sourd aux ennuyeuses lites, fêtez si pris. Eh, que vous fait l'accent de la misère? Des murs épais, une riche portière pare ses cris. Laissons le malheureux dans sa triste chaumière, le pauvre sous son toit en proie à la misère, à leur aise rêve et douleur. Ainsi le veut mortel la bizarre nature. L'un foule l'édredon et celui-ci la dure, l'un rêve joie et l'autre pleure. Dansez, dansez, folâtre jouvencelle, n'écoutez point, charmante colombelle, les noirs récits. Chassez au loin les plaintives images, point ne couvrez de ténébreux nuages les jeux, les ris. L'anglais sais-tu, blanche de l'œil implore le feu sacré du tendre ménestrel. Il obéit, et d'une voix sonore invoque le secours du ciel. Il se lève, un profond silence règne sous le lambris doré. Paix, le jeune barde cadence le rythme d'un chant éploré. Deuxième ménestrel. Enfant joyeux de la belle Provence, jusqu'à ce jour j'ai chanté le printemps. Le tendre amour, l'éternelle constance, le frais zéphyr, ennemi des autans. Lyre, je crains que ta corde rétive n'offre à mes vœux de trop frêles accords. Ah, transplanté sur cette froide rive, Dieu d'Hélicon, seconde mes efforts. Chante le froid hiver, ô ma fidèle lyre, dévoile aux yeux distraits ses mortelles rigueurs. Pour soulager les maux qu'apporte son empire, ah, fais vibrer les nobles cœurs. Ô lutte, puisse tes sons en suave harmonie s'exhaler sous mes doigts dans de touchants accords. Fille des chants thébains, divine mélodie, viens, ah, viens visiter ces bords. À ma voix que la bienfaisance tend de la main à l'indigence, plus vif encore tel que l'éclair, pur accord jaillit de ma lyre, que la pitié daignant sourire allège les maux de l'hiver. Ô vous mortels, enfants de la richesse, vous chaque jour bercés par les plaisirs, pour qui l'hiver est un temps de liesse, trop rapide pour vos désirs, dans les ébats d'un joyeux sybarisme, songez, songez qu'à quelques pas de vous, le pauvre endure en un profond mutisme des éléments le noir courroux. Plus vive encore, encore, ma lyre, tonne, et dans un pieux délire, montre, partant des champs d'azur, du ciel la foudre vengeresse, terrassant au sein de l'ivresse le cœur inexorable et dur. Dans vos banquets, amis de la saillie, où triomphant règne le frais Comus, ne craignez-vous, enfants de la folie, satirique fils de Momus, demeurant sourd aux cris de la misère, de voir surgir sur vos lambris dorés la main qui trace en sanglant caractère l'arrêt de destins abhorrés? Mais non, divine mélodie, ô sexe, charme de la vie, adresse tes accords pressants. Pour obtenir de l'opulence le denier de la bienfaisance, recours à tes plus doux accents. Oui, c'est à vous, gracieuse sylphide, autour de qui voltigent les amours, de ces essaims empressés et timides, invoquez les puissants secours du fier mortel qui sur vos pas s'élance. Ouvrez le cœur aux maux du malheureux, un doux regard sera sa récompense, et vous aurez fait des heureux. Oui, femme, c'est là votre empire, croyez-en les sons de ma lyre, la pitié sied au front vainqueur. Ah, siégeant sur vos doux visages, du temps dédaigné les outrages, vous tiendrez le sceptre des cœurs. Le bobarde s'est tu, le tendre aéropage d'un cri l'a proclamé vainqueur. Gloire, honneur à la voix dont le mâle courage vient d'emporter la cause du malheur. Aux pieds de la belle comtesse, les dons volent de toutes parts. Ah, que l'hiver dompté soit sans rudesse pour le pauvre de nos remparts. Ainsi dit la femme troyenne, dépouillant ses riches joyaux. La perle, le saphir, l'escarboucle hautaine vont du toit désolé calmer les sombres maux. L'aigrette fait place à la rose qui, sur le front de la beauté, d'où trône où la pitié repose, grava toujours le touchant mot « bonté ». Mais le refuit, d'un généreux servage, le revainqueur va recevoir le prix. S'inclinant à genoux, il réclame le gage, don précieux à sa lyre promis. L'écharpe aux chiffres d'or éclatante déploie à longs flots ses replis d'azur, et sur le sein du barde ondoie un signe d'un triomphe aussi noble que pur. Honneur! Honneur au chantre magnanime dont le luth fit couler nos pleurs. Honneur à la lyre sublime qui, magique, attendrit les cœurs. Et d'échos en échos dans la cité troyenne, le nom du ménestrel est soudain répété, tandis que lui, pensif, sous le nœud qui l'enchaîne, presse le tendre don sur son cœur agité. Rêveur, il s'éloigne et soupire, il fuit ces trop dangereux lieux. Il le sent, désormais sa lyre ne rendra plus de son mélodieux. Il apaisa les maux de la froidure, son théorbe a su les calmer, mais il emporte une blessure que nul chant ne pourra fermer. Le bel auboin à l'étrangère rive va demander le dictame du cœur, mais vainement jouvencelle naïve aux blonds cheveux, à la molle langueur, d'un long regard à sa lyre plaintive, promet guerdon pour les tendres rêveurs. Le rossignol démon privé de sa compagne ne porte point son hymne à de nouveaux climats. La rive bocagère et l'ombreuse montagne sont pour lui sans plaisir. Triste, il ne chante pas. L'oubli, le froid oubli, vainqueur de souvenance, tel est du bel auboin le but aventureux. Traînant de bord en bord sa secrète souffrance, toujours veuf de bonheur et de teint son joyeux. Ouvrez aux pèlerins la harpe légère, le cor retentissait trois fois, et la demeure hospitalière s'ouvrait au ménestrel à la touchante voix. Mais sa harpe restait muette, son front demeurait soucieux. En vain, riche d'attrait, la vive bachelette attendait de son luth les sons mélodieux. Malheur à moi, gentille dame, plaignez le triste ménestrel, éperdu joie, et de vous je réclame indulgence, présent du ciel. Demain, à l'aurore peut-être, mon luth chantera la beauté. Et l'aube blanchissante à l'étroite fenêtre trouvait le ménestrel, comme hier, attristé. Quoi ? Ce beau ciel d'azur à ta harpe sonore, barde, ne rendrait-il ses accords radieux ? Sur ce roc exhalant le feu qui te dévore, dis tes secrets amours à l'écho de ces lieux. Demain, répétait-il, demain, ô châtelaine, près de toi je le sens, oui, mon chagrin s'enfuit. Mais Auboin retrouvait sa rigoureuse chaîne, alors que revenait la ténébreuse nuit. Fuyez le calme et le silence, vous qu'amour retient sous ses lois. Fuyez un ciel d'azur où zéphyr se balance. Fuyez les prés en fleurs, les coteaux et les bois. Une nature âpre et sauvage, un ciel froid, des sites flétris, aux douleurs plaisent davantage. Amant, fuyez les champs fleuris. Point de bois d'orangers aux senteurs d'ambroisie, parfum trop enivrant pour le malheureux cœur. Sous ces ombrages frais, l'âme d'espoir saisit, rêve, et se livre encore à l'avenir trompeur. Mais des rudes climats vous craignez la froidure. Eh bien, courez le monde à l'aventure, advisez fêtes et tournois. Peut-être quelque blanc visage, appelant un tendre servage, vous rendra les jours d'autrefois. Ainsi faisait Auboin, errant de rive en rive sous la robe de menu vert. Le bienvenu des cours, il était le convive, et des festins joyeux voyait briller l'éclair. Trois fois le beau printemps a reverdi la plaine, la terre du midi l'a salué trois fois, et l'amant pèlerin, à la marche incertaine, cherche encore le dictame à travers champs et bois. Ô Chastel et monastère l'ont accueilli tour à tour, la chapelle solitaire et la sourcilleuse tour. Il fait nuit, la voûte est sombre, nulle étoile au ciel ne luit. L'orage gronde dans l'ombre, l'aquilon fougueux mugit. Au sein de ce val sauvage, quoi, pas même un ermitage pour le pauvre pèlerin ? Perçant la nuit, aux merveilles, une lumière vermeille éclaire un parvis divin. Au fond d'une nef obscure, brillant d'une clarté pure, s'élève un modeste autel. De la Vierge du Miracle, ce solitaire habitacle est le temple solennel. Nul bruit partout, solitude et silence, là retentit seul l'écho de ses pas. Pensif, ému, le bel Auboin s'avance. Ciel, au rayon que la lampe balance, il aperçoit un mausolée, hélas. Il franchit le sanctuaire, dormant sur la froide pierre, un doux couple est enlacé. Guerrier à pesante armure, belle à longue chevelure, brave le trépas glacé. Oh, qu'il devint rêveur, le voyageur trop tendre, à l'aspect des amants unis dans le tombeau. Ah, ce repos divin, non, il ne peut prétendre. Ah, que son âme envie un destin aussi beau. L'orage impétueux redouble de furie, mais plus terrible encore est celui de son cœur. Ce jour a réveillé la plaie endolorie dont le temps déguisait l'extrême profondeur. Ô céleste union, enivrante pensée, heureux dans le trépas, à tout jamais sa main dans la sienne enlacée, au bonheur des élus, redit Auboin tout bas. Et son œil désolé sur l'autel se promène, d'un céleste pouvoir implorant le secours. Un seul instant des cieux, divine souveraine, protège de mon cœur les timides amours. Et son front touche la poussière, frappe désespérée la dalle du parvis. La Vierge des douleurs accueille sa prière, Auboin par le sommeil à ses pieds est surpris. Il rêve. De ses ânes il franchissait la plaine. Du paternel manoir la tourelle hautaine déjà se dessinait à son œil étonné, quand un berceau de fleurs soudain frappe sa vue. Par une puissance inconnue, Auboin est tout à coup sous son ombre entraîné. Sur le gazon touffu, sa tête languissante s'incline. Il va céder aux douceurs du sommeil, quand la reine des cieux, de gloire éblouissante, apparaît au milieu d'un nuage vermeil. Elle tient un chapelle de roses, roses blanches à demi-closes. Son regard est doux et serein. Sur le beau barde, il se promène, et tel qu'un pur baume ramène le calme au cœur du pèlerin. Ô Boin, dit la mère des anges, j'ai vu tes longs tourments et tes chagrins étranges. Je veux tarir tes pleurs. Vois ce chapelle fleuri, quand frais il parera la reine d'une fête, que ta course s'arrête. D'amour tu cueilleras le dictame chéri. Elle a dit. Dans les airs, la Madone céleste a repris son vol radieux. Un nuage d'encens seul après elle reste. Enivré de parfum, au Boin ouvre les yeux. Il s'éveille. Une fleur par le vent agitée du beau front de la Vierge a volé sur son sein. Ô miracle! La fleur par la brise apportée est une rose blanche encore à son matin. Tel ainsi, dans son rêve, était cette couronne que la Vierge promit à son cœur enivré. Tel à ce doux penser, son visage rayonne, le front compatissant doit se montrer paré. Rose trois fois bénie, place-toi sur mon cœur de l'autel de Marie. Rose, don bienfaiteur, sois l'étoile brillante qui guidera mes pas. Rose, rose charmante, ah, ne te flétris pas. Et quand à deux genoux il a fait sa prière, de l'orage bravant les dernières fureurs, au Boin, sous le fardeau de sa harpe légère, s'éloigne en répétant les mots consolateurs. Les jours ont fui. Dans sa course rapide, le ménestrel n'a point compté les jours. L'astre des nuits brille et lui sert de guide. De ses ânes, bientôt, il reverra les tours. Pour la dernière fois, loin des lieux qu'il implore, demain il saluera le lever de l'aurore. Il franchira la plaine au berceau des glantiers, et de visant, pensif, vers la cité troyenne, le barde s'achemine. Un soupir lui ramène le souvenir trop cher des murs hospitaliers. Ces fêtes, faites encore à la cour suzeraine, partout riant feston dans les airs balancés, le fronton resplendit sous une triple chaîne de feux éblouissants aux chiffres enlacés. Un essaim gracieux comme jadis s'avance. Barde, ne viens-tu point joindre tes doux accords à l'hymne triomphant qui délire s'élance? N'es-tu point, dis-le-nous, un enfant de ces bords? Hélas, plus ne connaît ses rives. Blonde beauté, lyre plaintive, peuvent sans moi chanter l'amour. Dans le recoin d'une tourelle, je ne demande damoiselle que d'attendre l'aube du jour. Il a dit. Et la bachelette, du flambeau qui brille en sa main, vers une modeste chambrette guide le barde pèlerin. Elle est charmante. À demi-close, des fleurs ornent ses blancs cheveux. Ah, serait-ce les blanches roses de son rêve mystérieux? Penché sur le rebord de l'étroite fenêtre qui domine les plombs du château festoyeur, au Boin entend les cris que la gaieté fait naître. Isolé, solitaire, il sent battre son cœur. Mais ce n'est point l'écho de l'ardente liesse qui du barde a troublé le nonchalant repos. Le fantôme charmant de la belle comtesse, seul de son front rêveur a chassé les pavots. Et quoi, si près de Blanche, et je pourrais, barbare, me refuser un éclair de bonheur. Demain le sort à jamais nous sépare. Demain s'effacera cette rapide erreur. Mais non, non, la revoir encore serait par trop flatter des soupirs indiscrets. Abandonnons ces lieux au lever de l'aurore. Pour ne plus revenir, je m'éloigne à jamais. Mais n'est-ce point la blonde bachelette qui, naïve, me vient occuper à son tour? N'est-ce point là le baume à mon âme inquiète, le dictame chéri d'amour? Les astres roulent en silence, à la cime des cieux la lune se balance. Le céleste troupeau vers l'occident s'enfuit. La nuit, au front voilé, ténébreuse courrière, a parcouru déjà moitié de sa carrière. Le beffroi de la tour a répété minuit. Minuit, heure mystérieuse, heure propice aux tensons amoureux. Au Boin soupire et sur sa harpe oiseuse jette un regard de regret soucieux. Paix, il écoute. Une vague harmonie a remplacé les éclats du festin. Une suave voix à la cithare unie s'élève dans les airs comme un parfum divin. Quelques moments encore, le règne du silence va succéder à ces tendres accords. Ah, quelle est la beauté qui mollement cadence ce lait mélodieux, simple enfant de ses bords. Un seul instant caché dans la brillante foule, au moins pourrait jouir de ses chants gracieux. Il balance. Le temps comme l'ombre s'écoule. Sans effet, de raison, l'édifice s'écroule. Le beau barde a franchi l'escalier tortueux. Soulevant la riche portière, dans un océan de lumière, il s'avance d'un pas léger. Ô baron, sire de Cézanne, pages, varlets, gardes à Pertuisane, devant lui doivent se ranger. On fait cercle alentour de la muse divine. Auboin traversera cet ondoyant rempart. Plus d'un front caressant à son aspect s'incline. Le barde n'a rien vu. Son flamboyant regard poursuit cette beauté favorite de l'art. Sans doute, elle est aux pieds de sa noble maîtresse. Il s'approche. Grand Dieu, c'est la belle comtesse. Sur une lyre d'or, son visage est penché. Ses longs crêpes de deuil ont fui. Le velours presse en replis onduleux sa taille enchanteresse. Par des nœuds incarnats son voile est rattaché. Ô miracle d'amour, à sa couronne brille la blanche fleur du rêve vaporeux. Auboin pâlit, comme l'éclair scintille, son grand œil noir d'un feu sombre pétille, puis éteint se dérobe au songe radieux. Il est tremblant. Sa main sous sa robe d'hermine cherche son pur trésor, la céleste églantine, don de Marie à son autel. Oui, oui, c'est bien, à demi-close, la printanière et blanche rose qui forme le royal chapelle. Fuyons ce malfaisant prestige, fuyons, au bois sans ses yeux se voiler. La comtesse se lève, ô merveilleux prodige, sa ravissante voix vient de le rappeler. Beau ménestrel, déserteur de nos rives, auriez-vous fui pour ne plus revenir? À réveiller l'ardeur de nos harpes plaintives, heureux signe, chantez les beaux jours à venir. Et la voix de Blanche est si tendre, son regard est si doux, éperdu le beau barde à ses vœux va se rendre. Il s'empare d'un luth, et soudain fait entendre un lait mélodieux qu'il cadence à genoux. C'est le grave concert qu'à l'indien rivage l'harmonieux bulbule module sous l'ombrage de la verte oasis au suave parfum. Alors que de la rose il balance la tige, que seul au sein des nuits près de Gueule il voltige, chante et fuit du désert les échos importuns. Tel sur la harpe d'or est l'archange céleste, s'inspirant au regard qui règle ses destins. Au bois, beau comme l'ange et comme lui modeste, exhale des accords divins. Il se tait, on l'écoute encore. Plus d'un front charmant se colore, plus d'un sein bat sous le velours. Ah, trois fois heureuse la belle qui possède ce cœur fidèle, perle des amants troubadours. Blanche sourit et peut-être soupire, nul ne le sait, tendre barde et discret. L'écho des murs témoins de son délire n'a point trahi ce fortuné secret. On que depuis cette aventure, sans chanter il naît un seul jour, lyre du bel Auboin murmure sans cesse le doux mot « amour ».